Êtes-vous prêt pour une tempête de musique des fêtes? C'est le poste d'écoute du Père Noël! Oh oh, et bienvenue au poste d'écoute du Père Noël, c'est Mathieu Plante qui vous accompagne pour 3 heures de la meilleure musique des fêtes qu'on a reçue assez fou depuis les derniers mois. On a reçu pas mal de choses, vous allez être très heureux d'attendre qu'on va entendre beaucoup de pièces de l'album de Tricot Machine de Noël, 25 décembre, ça va être très joli. On va aussi avoir quelque chose de très différent, mon premier ou dernier Noël à Hawaï. Il y a André Gagnon et l'orchestre philharmonique de Prague qui chantent Noël. Le Vent du Nord en concert à Mémoires et Racines. On va aussi entendre les Risques du Pacifique avec l'album humoristique programmé pour fêter. Mais on commence avec la musique du monde un peu. C'est Putumayo présente Jazz and Blues Christmas. Tout de suite, voici B.B. King et Christmas Celebration dans le poste d'écoute du Père Noël au 89 FM. C'est fou les fêtes! I got to tell a Santa what's on my mind. Lord, I got to tell Santa what is on my mind. Well, I know I've been a good boy. Now it's getting Christmas time. Worked so hard for my baby. Don't know why she went away. Worked hard for my baby. Don't know why she went away. All I ask you, Santa, make me glad on Christmas Day. Le poste d'écoute. The greatest thing at Christmas is to know that you love me. Oh, wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. Mark it special handling, please address it personally. Wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. It'll make me happy, will make me dance with glee. Oh, be careful how you wrap it. It's so precious to me. Insure it for a million and sign it personally. Your letters are so wonderful. Oh, I'll never ever take your place. Oh, you don't know how glad I'll be when I see your lovely face. So wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. Oh, mark it special handling, please address it personally. Wrap yourself in a Christmas package and mail it home to me. Ooh, it'll make me happy. Heart, it'll make me dance with glee. It'll make me happy. Heart, it'll make me dance with glee. It'll make me happy. Make me dance with glee. Randy Greer and Ignazi Terraza Trio et Wrap Yourself in a Christmas Package de l'album Putumayo Presents a Jazz and Blues Christmas. Avant ça, c'était Charles Brown avec Santa's Blues. On a débuté avec B.B. King et Christmas Celebration. Soigné dans l'esprit des fêtes avec cette collection festive de jazz qui fait taper les pieds et de chansons de Noël blues. C'est ce que ça dit à l'arrière du CD de Putumayo. Et vous savez, Putumayo, à chaque fois qu'ils nous envoient un CD, et ils en envoient plusieurs par année, ils nous envoient un beau petit livret avec des textes dedans. Lisons le côté français, pourquoi pas. Parce que ça vient en espagnol, en anglais aussi. Depuis plus de 50 ans, le jazz et le blues fournissent une bande son idéale aux fêtes de fin d'année. Les chansons traditionnelles reprises par Ray Charles, B. King et Charles Brown, pour ne citer que quelques-uns de ces musiciens de légende, sont devenus indissociables de Noël aux États-Unis et ailleurs. Pour cette compilation, nous sommes allés chercher des versions plus rares de ces classiques, des titres enregistrés il y a déjà plusieurs décennies, mais aussi des morceaux plus récents. Cette compilation met en évidence le lien étroit entre le jazz et le blues, deux genres qui se sont développés en parallèle. Nombre des artistes présents sur ce CD passent d'ailleurs sans difficulté de l'un à l'autre. Nous vous souhaitons une bonne écoute en espérant que ces chants zégueront vos fêtes. Voilà donc, c'est Putumayo Presents a Jazz and Blues Christmas et c'est disponible pas mal dans tous les magasins de musique maintenant. On passe du côté francophone pour aller entendre le nouvel album des Résidus Plasmiques qui s'appelle Programmé pour fêter. Et ça, les Résidus Plasmiques, c'est Claude Giroux, un homme, un méchant Saint-Nicolas, autoritaire crapuleux, accompagné des lutins soumis. C'est ce qui s'est dit dans son album. Allez voir le www.famillecg.com pour télécharger les MP3. On va l'entendre les premières pièces, celles qui ouvrent l'album. Il y a Programmé pour fêter, précédé de Profession quêteux, mais on débute avec Du succès dans tes études. Ça se passe maintenant dans le poste d'écoute du Père Noël. Du succès. Le paradis à la belle beau jour postillonnait Madame Dufour. J'étions à peine sorti de ma maman qu'on me faisait subir le jour de l'an. C'était au temps d'avant les virus. Je me cachais derrière ma suce. On me gavait de bec mouillé d'aplomb. Était-ce à cause de l'âge ou de la boisson? Toute la journée sans aucune raison j'entendais. J'entendais. Succès dans tes études, ruminait tante Gertrude. Réussis tes examens, radotait l'oncle Firmin. Bonne année de la santé, crachait le coup se crantait. Le paradis à la fête beau jour positionnait Madame Dufour. Je n'ai jamais aimé l'école, j'étais bien loin d'être grosse bolle. Je me suis pas rendu à la sixième année. J'ai tout lâché ça pour aller travailler. Mais pourtant pendant des années, les jours de danse ont succédé. Chaque 1er janvier la parenté a rappelé qu'il toujours elle me disait. Et toujours elle me disait. Du succès dans tes études, ruminait tante Gertrude. Réussis des examens, radote l'oncle Firmin. Postillonnaire, Madame Dufour.

L'Iris du Plasmé, qui est la pièce programmée pour fêter, c'est la pièce titre de leur album de Noël. C'est apprécié de Profession Quêteux et du succès dans tes études à débuter tout ça. Donc, allez voir Claude Giroux et ses amis au www.famillecg.com. Il y a des MP3 gratuits là-dessus. Voilà. Pour les résidus plasmiques. Vous êtes dans un spécial, le poste d'écoute du Père Noël, où je vous accompagne et j'accompagne le Père Noël aussi en vous faisant entendre la musique des fêtes, la musique de Noël qu'on a reçue assez fou depuis le début de l'année. Hein. Il y a un album qu'on va entendre tantôt qu'on a reçu genre en janvier, juste après les fêtes. On l'a pas passé l'année passée. T'sais. C'est drôle. Et vous voyez aussi avoir Tricot Machine avec leur album 25 décembre. Mais pour l'instant, on écoute Shirley Hickard. Son album s'appelle The Holidays Are Here. Et tout de suite, voici la pièce titre The Holidays Are Here dans le poste d'écoute du Père Noël. Dans votre radio campus à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM. It's finally December. We're in for snowy weather. We'll soon be all together. The holidays are here. Bells will soon be choirs will be singing, the whole town will be swinging, the holidays are here, a time of jubilation, a standing invitation to join the celebration, the holidays are here. Singing fa la la la la la la la, fa la la la la la la, fa la la la la la la la, fa la la la la la la la. Restez là au retour, il y a plus de musique de Noël et plus tard, la musique du haut de l'an dans le poste d'écoute du Père Noël. Chill is in the air. There is laughter everywhere. How the spirit seems to grow. Counting the days, dreaming always. What will Kris Kringle bring in his sleigh? And with every wish tonight that is whispered with delight, Christmas is coming alive. Looking back upon the year, it becomes so very clear just how fortunate we are. It's as if we've been asleep. All the goodwill that we keep starts to spread both near and far. With smiles for the old, smiles for the young, hearts open wide with each carol sung. Can you hear the joyful sound? Feel the magic all around. Christmas is coming alive. Hope is reborn. The peace in the world. This Christmas in the snow. Though a chill is in the air, there is laughter everywhere. How the spirit seems to grow. Counting the days, dreaming always. What will Kris Kringle bring in his sleigh? And with every holly hung, and with every carol sung, Christmas is coming along. Can you hear the joyful sound? Feel the magic all around. Christmas is coming La Canadienne Shirley Eckhardt avec son album The Holidays Are Here. On vient d'entendre la pièce The Holidays Are Here, hein, précédée de Christmas Is Coming Alive. Et au début, c'était encore une fois The Holidays Are Here. Celle qu'on vient d'entendre était une version bossa avec Mike Murley au saxophone. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être trouvé ça un petit peu similaire. ShirleyEckhardt.ca est son site web. Sinon, passez par le site de l'émission pour trouver tous les liens à l'émission d'aujourd'hui au www.unechance.com. Ça, c'est le poste d'écoute du Père Noël que vous écoutez en ce moment. C'est l'émission où je vous présente la musique des fêtes, la musique de Noël, la musique traditionnelle qu'on a reçue depuis les derniers mois ici à C'est Fou. De bonnes choses s'en viennent plus tard. On va avoir des chansons de Noël metal avec Metal Xmas. Aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus doux, hein, Tricot Machine et 25 décembre. Un paquet d'autres bonnes choses, André Gagnon, l'orchestre Sipissa, là. Ça va être très, très bon. Ben voilà qui fait le tour pour moi en ce moment là, parce que j'arrête pas de placoter puis vous dire des affaires pas très très importantes là, hein? Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On s'en va entendre Maryse Le Tarte. Son album s'appelle Des pas dans la neige. Voici Oh traîneau dans le ciel. Assez fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sur des sapins à l'envers, l'eau calme de la rivière reflète une guirlande de conifères. Ton grand cœur se resserre sous des airs méchants. Je me change en pierre et en guirlande de sentiments. J'ai dit des mots que je ne pense pas du tout. Qu'est-ce que Noël a fait debout? Oh, traîneau dans le ciel. N'oublie pas l'essentiel. Oh, oh, oh, traîneau dans le ciel. Plein d'amour à Noël. Nos cœurs vidés en rage nous font courir en fou. Comme des souris en cage qui font tourner la roue. Je suis le feu qui lit au creux de la cheminée. L'amour est gratuit, le passé succès donné. Que battent les bras des anges dans éclat devant le résultat. D'ange de neige, neige, oh oh. Car les saisons sont comme ces oiseaux qui s'envolent, volent, volent, volent, mais reviendront bientôt. Que brillent les diamants sur la route vierge, que la forêt feigne le trépas. Entre Noël et le jour de l'an, ton souffle dans rêves aux rêveries d'antan, entre Noël et le jour de l'an, gris tambour et vin blanc, Toffy collé aux dents, les vanessants, moment présent, entre Noël et le jour de l'an, ton souffle dans mon cou, sont jaloux, un jour contre jour, mais quel jour sommes-nous? Le nouvel album de Noël de Maryse Le Tartre, Des pas dans la neige, ça c'est la pièce entre Noël et le jour de l'an. Avant ça c'était Ange de neige, on débutait avec Au traîneau dans le ciel, Maryse Le Tartre. Allez voir maryselethartre.com si ça vous intéresse, c'est bien, j'aime bien ça. On va entendre un simple maintenant de la part de Rhonda Silver qui nous présente la pièce Christmas on Credit. Ça dure un petit 4 minutes, là, c'est tout ce qu'elle nous a envoyé. C'est sympathique quand même. On va voir. Des fois ça pourrait être bon, des fois ça pourrait être mauvais. Ça se pourrait être très bien. Comme dans le vrai poste d'écoute, finalement. Au 89 FM, c'est le poste d'écoute du Père Noël. You know the tanner's got the blues, 'cause he ain't got no green. Looks like Mrs. Claus has picked his pockets clean. Gotta pay the elves, they're working overtime. He doesn't have the bread to keep the wallets lined. And now it's Christmas on credit. No cash checks or debit. His wife went shopping, now Santa expects, and it's Christmas on credit. Oh, the reindeer are hungry, too weak to pull the sled. Rudolph is worried, his nose ain't turned red. And the one candy apple will make it brightly shine. St. Nick is tapped, she's taking his last dime. It's Christmas on credit. Christmas on credit. No cash checks and debit. The wife went on a spree with no spending limit. It's Christmas on credit. Well, the stains on his coat require a dry clean. Holes in his pants need a sewing machine. Santa's leather boots could use a good repair. Mama's drained them, ain't no bucks to spare. Now it's Christmas on credit. Christmas on credit. No cash checks or debit. A Kris Kringle needs a loan. The bank says forget it. It's Christmas. are wrapped in ribbons and bows. They can't be delivered till Saint Nick finds the dough. But don't worry, kids, you're held in high regard. Santa'll save Christmas, he's still got credit cards. Good Lord, it's Christmas on credit. Christmas on credit. No cash check to debit. No high interest rate can help if you let it. It's Christmas. Christmas on credit. Christmas on credit. No cash check to debit. Rhonda Silver et Christmas on Credit. RhondaSilver.net et son site web. Si ça vous intéresse, c'est tout ce qu'il nous a envoyé. C'était quelque chose, hein? C'était pas particulièrement super bon pour moi, mais bon. Christmas on Credit. Peut-être que c'est ce que vous vivez vous aussi. Vous allez vivre autre chose tantôt, du bonheur avec Tricot Machine et Metal Christmas plus tard dans l'émission. C'est le poste d'écoute du Père Noël. Restez avec nous. C'est la deuxième heure du poste d'écoute du Père Noël ici à C'est fou. Je vous présente, moi, Mathieu Plante, les CD qu'on a reçus des fêtes du jour de l'an, de Noël, tout ce que vous voulez. C'est très, très bon. Plus tard, et là, j'arrête pas d'en parler, ça s'en vient pour vrai. Tricot Machine avec leur album de Noël et aussi Metal Xmas. Xmas parce que c'est plus extreme comme ça. Mais on continue pour l'instant avec un autre simple. En fait, c'est deux pièces, un petit EP de la part de Justin Hines. Tout de suite, ça commence, et comme ça, à peu près comme ça, je dirais, si je pouvais le dire. Ah, wow! Ah, c'est fou, 89 FM, la radio campus des fêtes. Well, I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. Well, I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Christmas Eve will find me where the love light gleams. Well, I'll be home for Christmas, if only in my dreams. If only my dreams. eyes are locked and open, and eyes shining bright. Warm thoughts abound, though it's cold outside. Know how I love this time. It's not about the gifts or the tree they lay on. Melt into spring, will fields once so bright. For love will remain so pure and divine. Oh, how I love this time. And I can't heal the world just by smiling, but with a heartfelt lullaby. But I will sing to open ears and pray that someone hears my song and stops their crying. Justin Hines et How I Love This Time, précédé de I'll Be Home for Christmas, de son Christmas Songs EP, un maxi donc de deux pièces de sa part, Justin Hines. Vous êtes dans le spécial, le poste d'écoute du Père Noël, où on écoute toutes les nouveautés des fêtes, que ce soit de Noël ou du jour de l'an, qu'on a reçu assez fou depuis les derniers mois. Moi, c'est Mathieu Plante, hein? Oui. On continue avec Angel Forest. L'album est Wonderland Christmas Songs by Angel Forest. On va entendre trois pièces. God Rest Ye Merry Gentlemen, précédé de Baby It's Cold Outside. Mais tout de suite, voici Children Go Where I Send Thee. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Oh, stood at the door. Three was the Hebrew children. Two was Paul and Silas. One was a itty bitty baby. Born in Bethlehem. Children, go where I send thee. How will I send thee? Oh, I'm gonna send you 10 by 10. 10 for the 10 commandments. 9 was 9 that stood in the line. 8 was 8 that waited at the gate. 7 was 7 that never got ahead. 6 was 6 that didn't get fixed. 5 was 5 that came back alive. 4 was 4 that stood at the door. 3 was Hebrew children. 2 was Paul and Silas. 1 was an itty bitty baby. Born in Bethlehem. Cet hiver, c'est fou. 89. Merry, merry, merry Yuletide. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Yuletide is here. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day, to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, we're leading, still proceeding. Guide us to that healing fright. This day is born our Savior of virtue, power, and might. So frequently to vanquish all the friends of Satan's quite. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place. And with true love and brotherhood, each other now embrace. This holy tide of Christmas, all others doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God rest ye merry gentlemen, and nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ. Angel Forest et la pièce God Rest Ye Merry Gentlemen, précédée de Baby It's Cold Outside et de Children Go Where I Send Thee dans le poste d'écoute du Père Noël ici sur les ondes de C'est Fou. Vous savez, on a reçu beaucoup d'albums de Noël. Il y en a beaucoup qui sont bons, il y en a qui sont un petit peu moins bons selon mes propres opinions bien personnelles. Mais plus tard, je sais que Tricot Machine va être excellent. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je dis pas que ça va jouer à la fin, mais ça s'en vient là. Soyez patients un petit peu. On reste dans la musique... je dirais qu'on va dans la musique plus... non, pas relax. Je sais pas comment dire ça, mais c'est une chorale lituanienne de Montréal. Donc, on sait que ça va être englobant, tout ça. Adeste Fideles, c'est le nom de l'album. Ça dit les plus belles chansons du temps des fêtes chantées dans leur langue d'origine sous la direction d'Alexandre Stanke. On va entendre tantôt... ça, c'est un choix que j'ai fait. Ça va être la cinquième de l'album. D'habitude, on joue les premières. Là. Ça va être Happy Xmas, War is Over. Je sais, ça joue partout, War is Over. Mais version chorale lituanienne, ça risque d'être bon. C'est donc la pièce de John Lennon, Yoko Ono, Happy Xmas plus tard. Mais avant ça, les deux premières, Les Anges dans nos campagnes et tout de suite, L'Enfant au tambour. C'est le poste d'écoute du Père Noël. Oh, Dans la glace au 89.1. Let's open talk good one without Le classique de John Lennon et Yoko Ono repris par la chorale lituanienne de Montréal, ça vient de leur album Adeste Fideles, c'était Happy Xmas War is Over. Avant ça, c'était Ogresio, Ogresio, Aller à Bethléem. Et puis avant ça, c'était Les Anges de nos campagnes et L'Enfant au tambour. Donc, quatre pièces de Adeste Fideles, les plus belles chansons du temps des fêtes chantées dans leur langue d'origine sous la direction d'Alexandre Stanké. On reste dans les gangs, mettons, les groupes de personnes. Vous pouvez entendre André Gagnon avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, dirigé par Mario Clemens. L'album a un nom très original, c'est Noël. Hein? Et dessus, il y a un petit traîneau blanc en plein milieu. C'est vraiment un salachi, je sais pas. On va entendre les trois premières pièces. Il y a Noël, tantôt, Bellastre avant ça, mais tout de suite, voici Have Yourself a Merry Little Christmas. Dans le poste d'écoute du Père Noël, où on découvre pas mal tous les CD de Noël et du jour de l'an qu'on a reçu assez fou pendant l'année, au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Thank you. Restez là au retour, mon dernier Noël à Hawaï, dans le poste d'écoute du Père Noël. Poste d'écoute. André Gagnon et l'Orchestre Philharmonique de Prague sous la direction de Mario Clemens. On vient d'entendre la pièce Noël. Avant ça, c'était Bel Astre. On a débuté avec Have Yourself a Merry Little Christmas. C'est sur audiogramme.com que vous pouvez en apprendre plus. André Gagnon et l'album Noël. On passe du côté francophone pour aller entendre un album qui m'a l'air plutôt louche. Là, sur la couverture, on voit le Père Noël avec une chemise hawaïenne, un genre de ukulélé, sur une plage avec un petit arbre. C'est tout joli. Ça dit mon premier Noël à Hawaï, puis le premier est barré, puis ça dit dernier. Mon dernier Noël à Hawaï, finalement. Là-dessus, il y a des classiques, là. C'est l'hiver, Ave Maria, mon beau sapin, Menu chrétien, L'aîné des divins enfants. Tout ça en version hawaïenne un peu, hein? Étrange quand même. On va l'entendre Noël Blanc tantôt. D'où viens-tu, bergère aussi? Mais on commence avec Petit Papa Noël. C'est dans le spécial, le poste d'écoute du Père Noël, où on découvre toutes les nouveautés des fêtes, jour de l'an, de Noël et tout ça dans vos oreilles au 89 FM. C'est fou! C'est fou! C'est fou! We'll be right back. ici Radio Bokmatan, la vraie radio dortoir. Un spécial de Noël. Et oui, nous vous avons déniché quelques bons has-been de Noël. C'est fou les fêtes au 89.1. Thank you. Mon dernier Noël à Hawaï, dans le poste d'écoute du Père Noël, on vient d'entendre la pièce Noël blanc. Avant ça, c'était D'où viens-tu, bergère, et petit Papa Noël qui a débuté tout ça. Mon premier et barré dernier Noël à Hawaï. C'est spécial. Je suis pas sûr que j'écouterais ça très, très, très longtemps, mais c'est un style. C'est une façon de faire un album de Noël. Sûr que ce soit différent, ben, vire-la à l'envers. Sinon, il y a beaucoup trop de gens qui font des albums de Noël, je trouve. Bref. C'est la fin de la deuxième heure de notre émission. Il nous en reste une dernière. Et dans cette dernière, oh, qu'il va y avoir des bonnes affaires. Je pense qu'on garde le meilleur pour la fin cette semaine. Il y a le Vent du Nord avec En concert à Mémoires et Racines, Mesdames et Messieurs. Il y a aussi We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year avec Alice Cooper et plein d'autres super artistes. Et en grande joie de moi, venant de moi, à vous. Vous serez aussi joyeux, j'en suis sûr. Trico Machine chante et raconte 25 décembre. C'est ce qui va débuter la troisième heure. Donc restez avec nous dans le poste d'écoute du Père Noël. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure du poste d'écoute du Père Noël où moi, Mathieu Plante, accompagne le Père Noël, ho ho ho, pour présenter tous les albums de Noël, des fêtes, du jour de l'an qu'on a reçus assez fou pendant les derniers mois. Il nous reste donc qu'une heure et qu'un tout petit peu de musique, mais de la très très bonne musique. On a gardé le meilleur pour la fin dans ce cas-ci. Il va y avoir tantôt le Vent du Nord. On va aussi découvrir Metal Xmas, mais on commence avec quelque chose que je vous promets depuis le début de l'émission et que vous attendez. Si vous n'avez pas encore entendu ça, vous allez adorer. Vous allez adorer. Les commentaires sont excellents là-dessus. Trico Machine chante et raconte 25 décembre. On va entendre, en tout cas, je ne vais pas faire de promesses, mais je pense qu'on va entendre pas mal l'album au complet. Il y en a 8 pièces là-dessus. On commence par les 4 premières. Il va y avoir 25 décembre sur la route du presbytère et Pastoureau, éveillez-vous un petit peu plus tard, mais on commence avec la pièce qui ouvre l'album. Voici Combien de Noël dans le poste d'écoute du Père Noël. Combien de Noël aurons-nous encore ensemble? Combien de soleil avant que la terre ne tremble? Combien de mémoires pour les souvenirs d'hier? Combien de tempêtes apaiseront nos hivers? Chansons transformeront nos silences. Combien de maisons célébreront l'importance? Combien de lumières dans les yeux de ceux qui aiment? Combien de bonheur dans le cœur quand on espère? gens, la famille, les amis, laissaient de jolies fleurs qu'on sortait pour la nuit. T'as reçu des cadeaux qui voulaient plus rien dire. Le mal tuait les mots. Je ne pouvais plus te voir souffrir. Je te disais, je te disais de partir. Après chaque bataille, l'ennemi revenait plus fort. Tu n'étais plus de taille. Le soleil s'est levé et tu t'es endormi. J'ai vu mon père pleurer. Je t'ai vu t'envoler par la fenêtre de ta chambre. À chaque Noël, je me vois souffrir. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais de revenir? Cosmos, des étoiles sur la vitre, avant que le défroste ne les transforme en météorites. Plongé au cœur du blizzard, en croisant la charrue, l'instinct d'un appel d'effort, le chemin a complètement disparu. Sur le banc d'en arrière, défier la tempête en avant, les yeux rivés sur mon père, le volant serré entre ses gants. Sur la route du précipitaire, s'agripper au traîneau, le cœur sur les freins, pas si proche de prendre le clou. Avoir foulé les sapins. Du haut de mes 10 ans, avoir peur pour de vrai pour une fois, la veille du jour de l'an, des étoiles pendues au bout des doigts, sur la route du précipitaire. C'est fou. Votre troupeau pour adorer avec nous Jésus le Sauveur nouveau. Accordez votre musette et votre hautbois. Il faut que l'écho répète vos chants dans les bois. Contemplons au pastoureau l'amour de ce Dieu Sauveur. Chantons sur nos chalumeaux sa pauvreté, sa douceur. Lui que la gloire environne n'a pour tout manteau que des langes et pour trône un humble berceau. Pastoureau, éveillez-vous et quittez votre troupeau pour adorer avec nous Jésus le Sauveur. Machine et Pastoureau, éveillez-vous dans le poste d'écoute du Père Noël. Avant ça, c'était Sur la route du presbytère, 25 décembre et Combien de Noël. Donc, c'était les quatre premières pièces de leur album. Tricot Machine chante et raconte 25 décembre. On aura la chance d'entendre d'autres pièces plus tard de cet album-là parce que c'est trop bon, on peut pas juste en jouer quatre. C'est pas assez. Let me have. On passe de la musique de Noël à de la musique du jour de l'an temporairement pour aller entendre l'album de la formation Le Vent du Nord en concert à Mémoire et Racine. Mesdames et messieurs, hein? C'est ça le nom de l'album. Mesdames et messieurs, en concert live, oui. On va entendre les deux premières pièces de l'album. Il y a Rosette, mais tout de suite, voici l'heure bleue. C'est le poste d'écoute du Père Noël. Toutes les nouveautés de Noël reçues à ses fous. Toute la guerre. We'll be right back. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cifou.ca. Rosette, ma petite Rosette, il y a bien longtemps que je t'ai pas vu. Oh, Rosette, ma petite Rosette, il y a bien longtemps que je t'ai pas vu. J'en ai eu des nouvelles du pays. Que tu n'étais pas sage comme tu me l'avais promis. Que tu n'étais pas sage comme tu l'avais promis. Cher ami, n'écoutez point ça, j'ai toujours eu de métier pour toi. Cher ami, n'écoutez point ça. Ah, j'ai toujours eu de métier pour toi. Y'en est venu ben l'autre qui était de mon goût. Cher ami, pour te plaire, je les ai refusés. Cher ami, pour te plaire, je les ai refusés. Pourquoi ben les refusais-tu? Ça fait si bon que je t'aime plus. Pourquoi ben les refusais-tu? Mes papiers marqués, savais-tu pas, Rosette, que je t'avais oublié? Savais-tu pas, Rosette, que je t'avais oublié? Venez tous, venez écouter. Jalousie qui te fait parler. Venez tous, venez écouter. Oh, la jalousie qui te fait parler. Il n'avait pas de fortune, encore bien moins d'argent. Pour acheter les bagues qu'on donne à l'épouse. Pour acheter les bagues qu'on donne à l'épouse. Belle, les bagues je te donne pas ne te feront jamais mal au doigt. Belle, les bagues je te donne pas. Tu seras oublié. Et moi, petite Rosette, tu seras oublié. Écoutez bien l'histoire que j'ai à vous chanter. Nico et Jean, Olo pis moi, on avait été veillés. On avait été veillés chez le bonhomme Poirier. Je m'en vais vous raconter tous les tours qui m'avons joué. En allumant la pipe, comme c'était la façon, disant quelques paroles aux gens de la maison. Bonsoir, Marie Dumas. Me permettriez-vous que je m'éloignerai des autres pour me rapprocher de vous? Oh, vraiment, dit-elle, avec un grand baiser. Si vous venez m'y voir, ce n'est que pour en rire. Tu m'as trompé fidèle de me parler d'amour. C'est ma petite Joséphine que j'aimerais toujours. Ils disent que je suis lâche et grogné par le sou. Tu vins de ma bouteille, j'en boirai quand j'en veux. on ne voyait pas grand-graisse figé sur la peau, car il est toujours propre, car il est toujours beau. Faut aller voir le bonhomme qui est dans son lit couché, disant à haute voix, il est en dessous de tirer. Le monde de la campagne des environs le feront, retirez-vous d'ici, car il est pas tout jeune. J'aime pas qu'on me le dise une seconde fois. Je disais à Françoise, t'en viens-tu avec moi? Je filerai mon chemin, tout comme la coutume, je m'en irai tête, mon chapeau dans ma main. Fallu porter les peintes, le reçu de curé, disant que sa paroisse était toute bouleversée. Elle est toute bouleversée, le sang dessus dessous. C'est dans 6 mois de l'onde qu'on lui voit des hommes sous. Le vent du Nord et la veillée chez Poirier dans le poste d'écoute du Père Noël. Juste avant, c'était Rosette et on a débuté avec L'heure bleue. Ça vient de l'album Mesdames et messieurs en concert, Mémoire et Racines. C'est donc Le Vent du Nord et je vous donne l'adresse du site internet levendunord.com ou myspace.com/Le Vent du Nord. On passe à l'anglophone maintenant pour aller entendre The Second Christmas Album de la part de Frank Fuller. Il nous a envoyé ça assez fou, très récemment. On va entendre 3 pièces. Il y a That's What I Want for Christmas, Mele Kalikimaka, ça c'est The Hawaiian Song, si on veut. On débute avec Take Me Back to Toyland. Je vais essayer de pratiquer ma prononciation pendant quelques minutes, puis je vous redirai ça tantôt comme vous. OK? Passe d'écoute du Père Noël. 89 FM, c'est fou ça! Mele Kalikimaka. Mele Kalikimaka. Mele Kalikimaka. Here we know that Christmas will be green and bright, got the sun to shine by day and all the stars at night. Oh, Merry Calicamacaw is a warrior's way to say Merry Christmas to you. Merry Calicamacaw is a thing to say on a bright Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Oh, Merry Calicamacaw is a wise way to say Merry Christmas, to say Merry Christmas, to say Merry Christmas to you. Retour plus de Tricot Machine et Metal Xmas dans le poste d'écoute du Père Noël. Make my mommy's life a song. Keep my daddy safe and strong. Let me have them all year long. That's what I want for Christmas. Let my dolls be made of rags, fireman hats of paper bags. Just write love on the Christmas tags. And that's what I want for Christmas. When I wake up on Christmas Day, I would like to find a sleigh. But if I don't, dear Santa Claus, I will not complain, because what I really want is this: sister's smile and brother's kiss. Fill our land with peace and bliss, from Maine down to the Isthmus. Oh, that's what I want for Christmas. I don't want electric trains, $20 aeroplanes. Free our friends of aches and pains. Oh, that's what I want for Christmas. Oh, I like boots with tops of blue, like my little sisters do. So if you leave them, leave a few. That's what I want for Christmas. When the reindeer pass my house, I'll be quiet as a mouse. But when I wake up, let me see marching round the Christmas tree. Animals that never bite and never giving any fright. Soldier boys who never fight. That's what I want for Christmas. Yes, that's what I want for Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Thing if you're not here with me, I'll have a the blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. Fuller et Blue Christmas dans le poste d'écoute du Père Noël. Oh, mais c'était bon ça, artiste montréalais Frank Fuller, c'est du indie folk rock né à Montréal deux jours après Noël en 75 dans une tempête de neige sous le nom de Joseph Robert François Frenette. Rebaptisé Frank Fuller sans aucun motif valable quelque part entre 96 et 98, il s'est produit pour la première fois à l'âge de 6 ans devant tous les enfants de son école primaire où il a interprété avec brio au piano une pièce intitulée E.T. qui était un pastiche de Chariots of Fire de Vangelis. Sa biographie continue pendant quand même un bon petit bout. Ah non, le côté francophone continue pas tellement, donc allons-y. Depuis, Frank a réalisé et enregistré plusieurs chansons. Il a 5 albums indépendants à son actif. The Mount Gambler EP en 2001, 3 songs en 2002, The Christmas Album en 2006, The Second Christmas Album en 2007. Ah ben nous, on vient de le recevoir. Hein. Et Songs From Here and There de 96 à 2006. Ça, c'est en 2008 que c'est sorti. Un DVD live aussi disponible. Et Monsieur Foulard travaille présentement et tranquillement dans sa tête afin d'imaginer un 6e opus qui, espérons-le, sera imprimé à grand tirage et distribué mondialement, dit-il sur son MySpace. Allez lire ça au www.myspace.com/Frank Fuller. Tel que promis un petit peu plus tôt, on avait entendu 4 pièces de Tricot Machine qui venaient de leur album Chante et raconte 25 décembre. Je me suis dit, c'est pas assez 4, donc allons en entendre plus. Voici 23h59 dans le poste d'écoute du Père Noël. Là, c'est fou, 89.1.

trop blanc comme l'asphalte. Il tombe des peaux lièvres sur Montréal. Ah, ça fait du bien de réentendre cette pièce, version enrubannée des peaux de lièvre de Tricot Machine. Avant ça, c'était Chasse-Neige, C'est l'hiver, mon oignon. Et on a débuté avec 23h59, donc c'est les quatre dernières pièces de cet album. Il y en a huit, on a tout écouté l'album. Je savais que je ferais ça parce que c'est trop bon. Tricot Machine chante et raconte 25 décembre, c'est le nom de leur album de Noël. Avec c'est tellement joli. En plus, il y a un petit conte dedans, c'est les paroles d'une des chansons. Là, c'est tout bien cartonné, ça a l'air d'un vrai livre. Procurez-vous, parce que c'est un vrai livre probablement, mais procurez-le-vous, là. Ça vaut la peine de les encourager pour marcher, non? C'est... changeons mais complètement de style. Il nous reste à peine quelques minutes, une dizaine de minutes ici dans le poste d'écoute du Père Noël où on découvre tous les albums de Noël et du temps des fêtes qu'on a reçus assez fous depuis les derniers mois. Le dernier, c'est We Wish You a Metal Axemas and a Headbanging New Year avec des artistes comme Alice Cooper, Ronnie James Dio, Dave Grohl, l'ami Killmister, Steve Lukather. J'ai aucune idée comment prononcer tous ces noms-là. Je me ferai corriger plus tard. Voici We Wish You a Merry Xmas, la pièce. Presque. Moi, non, titre. Oh, ouais. C'est le poste d'écoute du Père Noël. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. Goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. We're gonna Santa Claus is coming to town dans le poste d'écoute du Père Noël avec Alice Cooper, John Five, Billy Sheehan et Vinnie Peace. Avant ça, c'était Run Rudolph Run avec Lemmy Kilmister. On a débuté avec We Wish You a Merry Christmas ou Xmas de Jeff Scott Solo et plusieurs autres. Alors, on a entendu des bonnes choses dans cette émission, le poste d'écoute du Père Noël. Je vous rappelle les heures de diffusion de cette émission. Il y en a des rediffusions, oui. Le samedi 20 à midi, mercredi 24 à 13h et jeudi 25 à 16h. Il y a plusieurs autres émissions de Noël que j'anime pendant les fêtes. Il y a entre autres Décorons l'Adore à chanson, qui est comme un avant-goût du spécial C'était fou en 2008, dont je parlais plus tard. Donc ça, c'est Décorons l'Adore à chanson. En rappel, le vendredi 26 décembre à 10h et samedi 27 à midi. Soyez là pour ça. Sinon, il nous reste Sous le sapin 2008, qui va jouer le vendredi 2 janvier à 17h. Et pour terminer, pour couronner le tout, C'était fou en 2008, le vendredi 26 décembre à 17h, vendredi 2 janvier à 10h et samedi 3 janvier à midi. Toutes les heures sont sur le www.unechance.com et sur le cfou.ca, qui est le site de la station. Si vous voulez aller voir tout ce qui a joué aujourd'hui, allez voir le site aussi de l'émission unechance.com. Là-dessus, il y a la balade de diffusion à télécharger en MP3. Ça en fait beaucoup de choses à se rappeler. Unechance.com, cifou.ca, ça fait pas mal le tour de tout. On va se quitter avec la pièce God Rest Ye Merry Gentlemen avec Ronnie James Dio, Tony Iommi, Rudy Sarzo, Simon Wright. Ça vient l'album We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year. Je vous le passe, de passer de très très bonnes fêtes. Hein? Joyeux Noël, bonne année, tout le kit au grand complet. C'était Mathieu Plante pour le poste d'écoute du Père Noël. Bye bye. Bye. J'aurais bien aimé ça faire des cadeaux, mais n'est pas. Pas d'argent pour le faire. Gone.